organizer, sachant que ça va déjà très loin et qu'ils prennent parfois des gens très connus, puisque par exemple Barack Obama était un community organizer, pour donner un exemple. Voilà. Bah, pour l'instant, à ma connaissance, j'ai pas vu un. Moi non plus. Parce que je sais qu'actuellement, je pense que la vieille commence à prendre au sérieux l'Internet. Et c'est depuis pas longtemps. Même les journalistes algériens, bon, ils essaient de suivre. Normalement, c'est les faiseurs d'opinion. Et ils sont largués, la plupart des journalistes algériens sont largués sur le net. Ils sont encore là, ils sont sur Facebook, ils croient que c'est Internet, c'est Facebook. Ils n'ont pas de blog, il y en a peut-être deux ou trois qui ont des blogs. Ils viennent faire une phrase, il est encore, je suis le journaliste et toi c'est le lecteur. Et ils sont débordés justement, les petits jeunes, ils font un travail qu'ils sont censés faire. Donc, un leader... Et pas Twitter, très important. Et Twitter, pas encore. Twitter, la communauté algérienne Twitter, elle se résume au... Je crois que c'est 1000 utilisateurs à 2000 maximum. Oui, en fait, c'est paradoxalement en Algérie, parce qu'en fait, c'est l'instantané, c'est le réseau 3G qui n'existe pas en Algérie, lié au téléphone. Pardon. Donc voilà, autant moi, en tant que journaliste, j'en ai pas, sur la GFO, je te rassure, hein, parce qu'on n'en est pas déjà, on n'est pas 50, hein, on est 3, et 3, et c'est 2 pour ça. C'est trop facile. très facilement. Et le dernier mot, finalement, dernier recours, le papier s'il doit valider, il va être validé par moi. Je peux éventuellement tomber dans le piège. Je me suis intéressé à cette question. C'est ça, on fait en sorte que c'est des révolutions colorées, etc. Les États-Unis qui forment certaines personnes qui vont infiltrer la population de telle société, dans tel pays, parce qu'ils veulent le déstabiliser. J'ai suivi. Je suis un peu cette actualité-là. Mais à la rigueur, si je suis éventuellement, sans que je le sache, parce que on va dire piégé, je ne gênerai nullement à faire un démenti dans la lumière qui suit, et donc voilà, on s'est trompé sur telle information ou sur telle personne. Je ne sais pas. Je l'ai déjà fait, mais je le ferai, je le referai, il n'y a pas de souci. Et je veux dire, pour l'instant, l'Internet algérien n'est pas très très très développé pour qu'il nécessite l'intervention du gouvernement algérien déjà. Je pense qu'il est assez largué par rapport à l'Internet. Ils viennent se rendre compte quand même que... Parce que tu les vois intervenir, je sens que... Le e-gouvernement de l'IFAS, c'est une farce. Voilà. Qu'ils sont les méthodes, ils reprennent les mêmes méthodes parce que ça leur échappe Internet. Je parlais tout à l'heure de l'indépendance de la presse. En Algérie, c'est vrai, ils ont un moyen de contrôle de l'information. Ben, si tu veux de la pub, ben, certains sujets, à la limite, tu ne vas pas aborder. Si tu les abordes, ben, tu n'auras plus de pub, etc. Sur Internet, non, tu ne vas pas venir dire n'importe quoi. Je pense quand même que depuis qu'il y a eu les révolutions, ça, qui sont parties de Tunisie, et puis Égypte, Libye, Yémen, Syrie, etc., on a beaucoup parlé, notamment les médias occidentaux, du rôle de Facebook, de l'Internet, des réseaux, dont ça s'est passé. Est-ce que c'était un élément déclencheur ou est-ce que c'est quelque chose qui a aidé à aider les gens à s'organiser, à se rencontrer, fixer des rendez-vous dans les dates, etc. Et il me semble, moi je l'ai compris comme ça en tant qu'utilisateur de l'Internet, les autorités algériennes, elle qui avait complètement délaissé le domaine, en fait, pendant un bon moment, alors que les Tunisiens, les Marocains avançaient beaucoup mieux sur le sujet. En Algérie, on a nos autorités qui faisaient de beaux discours, mais la réalité, quand le 2013, c'était des discours vides complètement, qui donnaient absolument rien du tout. Par contre, depuis qu'il y a les révolutions, apparemment, ils ont plongé sur le sujet en fait en disant oh là là, mais c'est grave ce qui se passe, c'est par internet que le mal va nous arriver, et tout le tralala. Et je pense qu'ils ont mis, à mettre entre guillemets ou à vérifier, ils ont mis des brigades de gens pour soit contrôler la chose, soit filtrer l'info, soit mettre les gens sur écoute ou un truc comme ça, ou sinon même. Surveiller les gens, les intimider, etc. Parce que, absent, là maintenant, il me semble qu'ils sont même on montre c'est flagrant. Mais là, c'est deux sujets. Là, tu parles de deux sujets différents. C'est-à-dire, tu parles de l'état policier qui essaie de même de rentrer dans la vie privée des gens, quelque chose que beaucoup de gens que je connais ont subi en quelque sorte. Ils ont eu leur mail piraté, leur compte Facebook détourné. Mais aussi le côté, par exemple, e-gouvernement, parce que là, en fait, c'est vraiment une vision d'État qui essaie de moderniser ses institutions, démocratiser Internet, faire du e-learning et tous les projets qui vont avec. Là, c'est un autre sujet, parce qu'en fait, eux, ça les arrange. Quelque part, je dis eux, c'est ma manière de parler. Quelque part, en fait, je vais vous donner un exemple. Anonymous qui fait un peu du hacking, c'est-à-dire, pour expliquer, qui attaque les sites des ça s'est fait en Tunisie, Anonymous, ils ont attaqué le site du ministère de l'Intérieur, ils ont attaqué, je crois même, le paiement par Internet. En fait, ils ont fait pas mal de dégâts en Tunisie, c'est-à-dire vraiment, leur attaque était très nocive. En Algérie, et ils ont essayé de faire la même chose. Bon, je vous donne un exemple, le site de la présidence, c'est un site statique. Donc on a la photo du président à droite et le texte à gauche, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le seul truc qu'ils ont trouvé à faire, c'est attaquer le site du ministère de l'Intérieur où il y a uniquement des formulaires à télécharger. Des formulaires d'état civil. Et ils ont mis ils essaient d'attaquer, mais il n'y a rien à faire. En fait, il n'y a rien à faire. En fait, l'archaïsme, quelque part, il est très positif, surtout pour un pouvoir qui essaie de se maintenir en place. On va rester gentil, on va dire des mots comme ça, politiquement correct. Donc, quelque part, en fait, cette manière de fonctionner les arrange. Moi j'ai été au mois d'avril à la semaine du web, ça se passait à Alger, en fait ils n'ont pas du tout communiqué autour parce qu'en fait ils ont eu, nous on a eu l'information je ne sais pas comment, donc on a été la moitié des gens qui étaient sur place, qui étaient la police et des services de... voilà, et là il y avait quelques étudiants et tout, c'est très intéressant, mais par exemple le sujet des révolutions arabes, il faut rire, on n'a pas parlé de ça, mais c'était même pas prévu comme on parle. Mais je pense que comparé à ce qui s'est fait en Tunisie et même au Maroc, je le disais tout à l'heure à Faisal quand on arrivait là, moi il me semble que c'est peut-être la seule chose, peut-être intelligente, et je mets ça entre guillemets, qu'ont fait les autorités algériennes, c'est qu'ils ont freiné le développement de l'Internet, qui a fait que en Tunisie, c'est quand même un élément qui a joué dans l'évolution des choses. Il faut savoir en Tunisie qu'il y a les deux pages Tunisie en français, il y a Tunis, Tunisie et Tunisia, c'est 600 000 et 700 000. Pour une population de 2 millions. Ils sont des deux, c'est vrai qu'on a parlé de ça, parce que j'ai vu avec des associés. C'est le piège dans lequel on parlait de ça, avant justement le gouvernement de la population. Il y avait la publicité, c'est le tourisme, donc il faudrait la présence sur Internet, etc. C'est des sites très puissants. Et les gens, ils ont eu cette contact très... En Algérie, ce qu'il faut dire, c'est pas parce que les gens ne s'intéressent pas, parce que tout simplement, juste pour un titre d'information, je ne sais pas si tu as parlé du sujet, il y a un seul opérateur Internet. Oui, l'ancien, on a descendu, c'est pas parce que c'est un gentil, c'est que voilà, il y a eu des affaires, c'est iPad, je crois, donc il a été descendu, et il n'y a pas d'ouverture à la concurrence, ce qui fait que voilà, ils maîtrisent tout Internet en Algérie. Et les Algériens essaient toujours d'avoir une connexion, ça commence à 1000 dinars, aussi à 15 000. La connexion n'est pas, par exemple, nous on a la problématique, comme on fait beaucoup de vidéos, on est obligé de baisser en résolution, donc on a des images qui sont pas qui sont pixelisées pour qu'elles soient accessibles en Algérie. C'est autrement, si je mets une vidéo, si je la mets, je sais que la DSL en France ou un peu en Europe, en général, il n'y aura pas de problème, le clic il va. On se plaint, je vais me faire sur l'or, je vais me faire 512 kilos, moi. Par contre, tu dis ça aussi, parce que... Donc, je suis obligé, j'ai cette contrainte-là. On parle de l'Internet, on m'avait posé la question dans le cadre c'était un journaliste qui voulait me poser la question, c'est la loi 20. J'ai dit, oui, il n'y a pas une censure directe, on en dirait de l'Internet, il y a une censure qui est plus subtile. C'est, je baisse le un débit comique. Le débit. Je paye 60 dinars pour pendant que si j'ai une grande conviction, je peux peut-être visiter une vingtaine de sites. Et c'est pas par manque de matériel ou de. Oui, ils ont appris pour fibre optique et ils ont tout le temps de voir logistique. J'ai juste un mot peut-être, c'est absurde, mais c'est en réalité, il faut aussi rappeler que la téléphonie ne peut pas avoir de data santé. La téléphonie est entre les mains du pouvoir. Parce que j'ai été récemment. ils ont tout été coupés du monde. Les endroits où il y a des manifs, le seul où il y a vraiment la télé, pas question, la radio, pas question, les journaux, moi en tant que journaliste, demain je vais aller à Alger, je dépose un dossier, voilà, j'ai tant d'argent, voilà mon dossier pour avoir un agrément, bah tu rêves. Faut être l'ami d'un chien. Voilà, c'est ça. Et seul où, si Internet, si je veux dire, je ne pouvais jamais réagir par mon journal, et de pouvoir dire et écrire sans Internet, impossible, impossible, je veux dire, impossible. J'ai travaillé dans la presse en Algérie, dans certains titres, l'islam, tu ne parles pas, parce que voilà, lui, il a cette ligne-là, et parce qu'il y a derrière lui telle personne qui va développer ce... Tu vas dans un autre site, ça tu touches pas, un autre journal, j'en ai vu moi, les quotidiens c'est beau et tout, j'ai connu un peu de l'intérieur, comment ça se passe. Toi aussi j'imagine peut-être. Donc on avait des trucs, moi une fois je voulais faire un dossier dans un grand... j'avais des éléments d'information très importants sur le réseau de pédophilie à Oran, un gros quotidien qui a sa rédaction centrale à Oran, non. Je dis, ben attends, je vais suivre quoi? Je vais parler Si on prend le parti, tu as par exemple un site, moi je cite les noms, je m'en fous. Tu as par exemple un site comme Nahab, qui est un journal. Les disent que c'est ça, un bout de FEPA qui a l'origine de sa fondation. Ils ont par dernièrement, il y a eu en justice, en fait, il y a eu l'affaire de ceux qui ont assassiné Kuromi. Enfin, c'est un membre de la CNCD qui a été assassiné le mois dernier. Et en fait, c'est le seul quotidien qui en parle sous ces termes. Et qu'est-ce qu'il avance en première page, je ne sais pas quoi en fait. Et il met en avant une affaire d'homosexualité du défunt qui n'avait rien à voir sur le fond du sujet. Et qu'en quoi en fait, ils insinuaient que voilà, c'est son amant qui est venu là pour le tuer. Voilà. Et tout, en fait, sachant tout le background, on va dire, culturel qu'il y a derrière des histoires pareilles. En fait, ce qui fait que les gens. Moi, je n'y crois même pas, en fait. C'est même pas vrai, je sais que c'est pas vrai parce que voilà, c'est le seul quotidien qui en parle. Mais en plus, ce n'est pas ça le fond du sujet, c'est que, en fait, ils mettent en avant des choses imaginaires, c'est cassé un peu. C'est les tabloïdes, c'était l'assassinat politique, sont rapportés le membre d'une épreuve. Moi je ne dis même pas que c'est politique, je dis que c'est indécent. Vous m'excusez, le problème du directeur de Marat, qui s'appelle Anis Rahmani, c'est quelqu'un qui est très connu, il a fait pire, durant la décennie, il a fait des choses innommables. Il a fait des choses avec des cadavres quand même qui sont passés très connus, les gens. Il y a Cholo, pour contrecarrer, parce qu'à un certain moment, Khabar, il y a des dessous de Khabar, le journal qui était le premier journal arabophone algérien, il a commencé à avoir son indépendance financière, donc il a par exemple tous les bâtiments où il y a des rédactions, à Oran, il y a un grand imprimerie, donc il ne dépend plus. C'est vrai que, pour avoir parlé de presse libre, le Wapam, depuis 20 ans qu'il existe, il n'a jamais lu un papier sur le DRC. Et il a écrit un papier, depuis 20 ans, ça fait un mois qu'il écrit un papier sur le DRS, parce que éventuellement l'autre est malade, en fait, il a osé. Et si tu parles de la presse allemande en Algérie, les problèmes en Algérie sont parlés de la police politique, tu peux pas en parler parce que ça, ce qu'il faut dire aussi, c'est pas que c'est pas parce qu'en fait on manque de journalistes intègres ou de je précise une précision, c'est tout simplement c'est l'argent et la pub en fait est centralisée de telle manière que c'est les journaux qui sont à l'ordre qui ont la pub. L'exemple le plus marquant, c'est que Algérie Focus n'arrive pas à avoir de la pub en Algérie, c'est aussi simple que ça. Ouais. si on changeait un petit peu, des choses un peu marrées, de changer, comment ça s'appelle. Si on parle de petits les petits oiseaux. Tout ça, c'est très positif, hein, pour ce qu'on est en train de faire. Non, mais je dis pas qu'il faut pas remuer un peu de temps en temps à la baisse, hein, pour pas parler d'autres choses. Mais il y a par contre quelqu'un qui a fait une remarque tout à l'heure à propos du passage de l'enseignement, enfin de la politique de l'enseignement indépendant. Et monsieur le Tunisien, justement, il se trouve que le CNF en France a un partenariat avec des écoles, les collèges, ceux qui s'occupent des collèges en Tunisie. Parce que la difficulté, c'est aussi, et vous y avez fait allusion, c'est le fait qu'on pouvait parler de mouvement, en famille, et avoir une conversation tantôt en arabe, tantôt en français, etc. De plus, madame a dit que les jeunes algériens étaient quand même assez éduqués, ils avaient souvent, et vous m'avez dit qu'il y avait quand même une forte proportion universitaire, même encore maintenant, même si c'est des démocraties, comme on dit. Le problème, c'est le niveau de langue. Je vois par exemple, pour vous dire, à la 7, dont je fais partie, il y a mon collègue qui me dit, mais attention, tu ne parles pas, tu as des doctorats en mathématiques. Et quand vous parlez droit, que ce soit dans n'importe quel monde, le problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte que, quel que soit le langue qu'on utilise, on peut parler en chinois, en parlant un bon français, mais en parlant technique. Et le mot de l'âme, pour venir aux petits oiseaux et aux petits fleurs, c'est que quand il s'agit d'enseigner les sciences, par exemple les sciences naturelles, on s'aperçoit de la pauvreté du vocabulaire, même que les gens vraiment cultivés, comme par exemple un énarque, et puis quand vous commencez à vous parler de sciences naturelles, attends, par contre, qu'est-ce que ça prend de voir? C'est ça qui est affolant. Le problème, c'est que la difficulté, la pédagogie première, c'est de dire aux gens, attendez, une seule ça va se frapper, qu'à un moment donné, vous allez dire, mais attendez, on n'a rien dit, on n'a pas répondu à rien. Mais le problème, c'est que quand on veut vraiment dire les choses, y compris en sciences politiques d'ailleurs, mais forcément dans les sciences dures, il faut employer les mots du métier. Et ça, bien sûr, parler des problèmes de quartier et tout ça, mais il y a un an plus en France, dans les quotidiens, on voit de temps en temps à la télé des émissions, mais malheureusement, ils ne peuvent pas aller très très loin. Et on a dit aux journalistes, soyez compréhensibles, intelligibles. Ah oui, mais celui qui doit rendre compte. Alors, il y a des mots qui sont entrés dans le vocabulaire français comme orbite, c'est un peu à l'occasion de la mise sur orbite de Sputnik. Le mot n'existait même pas en français. Enfin, il existait, mais pour d'autres sens. Donc, bref, la grosse question, c'est comment améliorer justement le bagage de l'origine des mots. Moi, je fais, en tant que journaliste, je peux témoigner, quand je travaillais en Algérie, j'étais toujours journaliste francophone, et depuis que je suis en France, ma façon de travailler l'information, ma façon de rédiger mon français a beaucoup changé. Je pense que parce que quand tu es dans un domaine linguistique, il y a des influences, concernant peut-être, je pratique plus le français parlé, je parle plus. En Algérie, c'est un genre de... Le patois, c'est un mélange de plusieurs langues, hein, surtout à l'ouest, où en plus on a l'espace des mots espagnols qui se lisent et tout, c'est une richesse incroyable. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à, c'est vrai, lire la presse française, etc., etc. Et puis, donc, du coup, pour faire passer, mais ça c'est vrai qu'il y a des mots clés qui est impératif de mettre, sinon parce qu'il faut nommer les choses avec leur nom, par leur nom, pardon. Mais dans l'ensemble, j'essaie vraiment que n'importe qui, parce que je sais que déjà, on n'est pas, c'est pas notre langue maternelle, hein, les Algériens. Il peut éventuellement se faire comprendre, parler deux, trois phrases, et peut-être il y a un mot arabe qui va glisser, c'est normal, parce que c'est la pratique. L'écrit, peut-être, il n'est pas aussi à l'aise. Mais il peut quand même comprendre. S'il y a un article, moi j'essaie justement de mettre un niveau standard. J'ai un économiste qui est avec moi. Si vous n'avez pas de notion en économie, je sais que c'est très très difficile. Je fais de temps en temps des mails. Il faut que ce soit moins pointu parce que si vous voulez un peu toucher. vous êtes en train d'expliquer des choses très intéressantes par rapport à l'économie algérienne, mais il y a une limite. Il y a des gens qui vont pouvoir accéder à ce que vous êtes en train de dire et d'analyser, mais ce n'est pas le commun des lecteurs. On va essayer de se mettre à ce niveau. Donc c'est un choix, après, c'est un choix. C'est un choix, soit on va essayer on a fait des sujets géopolitiques, j'en reçois beaucoup de spécialistes qui ne sont pas spécialement maghrébins, français, américains. Ils ont un langage, je ne vais pas lui dire, soit se mettre à un niveau il a son langage. Hein. Lui, en plus, je ne peux pas toucher, je suis une traduction de son... mais c'est vraiment fidèle à ce propos. Et là, je n'ai pas trop le choix. Donc, c'est soutenu. Mais, par ailleurs, si on essaye de traiter l'information en tant que moi, je dirais, par l'IG, j'essaie vraiment de se mettre à un niveau où que ça soit accessible à tout le monde. Voilà. Votre question concerne la possibilité d'avoir un langage aussi souple que possible. Non, juste en fait, ça concerne le travail journalistique ou le langage dans la société. Que le journaliste essaye de donner l'occasion à leur lecteur non seulement d'atteindre du fait, du factuel, mais des mots pour le parler. Notre choix pour Internet et le mouvement dans le monde arabe, c'était pour savoir en Algérie comment cet outil nouvel, c'est Internet ou Facebook ou tout le réseau de communication, peuvent faire avancer un mouvement social, politique dans la rue. Quand on a commencé à parler, c'était dans notre souci, c'était ça. C'est vrai, c'était le débat, c'était bien. Moi, je suis contente parce que je ne connais pas trop l'Algérie et j'ai appris plein de choses. Qu'est-ce qui d'abord, une question pour moi, comment un ami ici qui a dit ça ne changera pas jamais l'Algérie, si, ça changera bien sûr. Bien sûr, non, pardon. J'ai appris ça. Et ça, j'ai appris ça, ça va. Normalement, ça change beaucoup de choses. Les choses vont bouger. Parce que quand je pense dans le monde arabe, l'Égypte pour moi c'est la dernière possibilité d'imaginer un jour si Dieu va partir, et il est parti. Mais il va finir en prison. Exactement. Alors, ça veut dire si les choses changent. Une autre question c'était la même ici qui l'a dit, la Munique va entrer pour pousser les choses à changer. Il peut entrer, tout le monde peut entrer. L'État algérien maintenant, ça m'intéresse beaucoup Internet ou tous les réseaux, parce qu'il sait très bien, ça bouge. Et ça joue sur tous les changements qu'il va pousser la rue à changer. Dans ce cas-là, où le diable vient, c'est pas grave, il vient, mais le peuple, je crois, le peuple, il a son chemin. Mais la question, c'était aussi bien sûr la langue arabe pour moi et le français, moi je ne sais pas, et en Orient, on parle en arabe, on n'a aucun problème de communiquer en arabe, je crois. Mais chez vous, le Maghreb, ça veut dire Tunis est encore arabisé plus que je crois l'Algérie, j'y pense. Mais je me trompe, si je me trompe, j'échange. Non, mais on peut, c'est vrai. On ne parle pas l'arabe. Mais c'est vrai, c'est ça pour moi, à la fin, surtout quand vous parlez de moyens sociaux, pour moi la question de la vérité, toujours, parce qu'on parle, c'est un moment qu'on parle, tout le monde parle, tous qu'on parle, mais après, parce que quand on focus, là, tu es obligé pour avoir responsabilité des productions officielles d'un journal, tu es obligé de regarder, de voir, je ne sais pas quoi. Ça vient toujours la question de la mensonge et la vérité, et quand on crie, on parle. C'est ça pour moi encore les questions. Comment nous sommes capables de savoir si quelqu'un dit du vrai ou qui quelqu'un dit faux? Malgré qu'il a dit, il faut avoir trois ou quatre. Ouais, on essaie de faire ça. Hein? Ouais, on essaie de faire ça. Oui, ça veut dire c'est ça. Mais je ne sais pas encore pour moi si une question. Ouais, donc je vais vous expliquer, de toute façon sans surprise. Donc, si l'information est fausse, de toute façon, les gens vont commenter, comme disait tout à l'heure Samir, c'est très rapide d'être décrédibilisé par rapport à ça, surtout en plus comme je disais tout à l'heure, il y a un petit climat de méfiance en Algérie. Donc, les gens attendent l'occasion de vous dire que vous mentez. Ça c'est sûr. Donc si on se trompe sur si on ment, on se trompe sur un problème comme ça, on va très vite le découvrir. Très rapidement. Contagieux. Entre la vie et s'il y a une femme, s'il y a une agent parmi l'enfant, ça ne parle même pas sur Internet. Hein. Les jeunes. Donc 10 minutes, 15 minutes, faut vous mentez, vous n'êtes pas crédit, vous travaillez pour qui. Donc ça se voit très vite. Mais on a ça très souvent. Donc des gens qui disent, quand c'est quelqu'un qui vous dit ça, on essaie de prouver. Hein. De prouver d'où on a la source de notre information, mais sinon on fait le maximum pour vérifier l'information. Et de toute façon, si on se trompe, on va le payer très cher. On va perdre des montres. Moi-même, en fait, moi-même, une fois j'ai posté, je ne prétends pas faire de l'information en fait, tout simple. Moi je m'exprime en tant que citoyen sur Internet. Il m'arrive de reprendre, mais je suis un gros, je soutiens clairement les révolutions et le travail. Et du coup, je reprends les vidéos qui viennent de Tunisie quand ça a commencé. Je reprends des vidéos envoyées par des petits jeunes qui ont filmé ça avec leur portable. Un jeune homme qui se fait pas passer par la police, il met ça en ligne. Moi-même, je rediffuse l'information, je mets ça sur ma page YouTube. Et il m'est arrivé une ou deux fois de me tromper en fait, parce que je reprends une information ou une vidéo en disant ça s'est passé telle date à tel endroit en fait, je me suis fait avoir, les gens qui m'ont fait passer l'info, en fait la vidéo date d'il y a un an. Mais tout de suite. C'est votre site on vous arrête tout de suite parce qu'on va... Chicha sur YouTube, ouais. Alors, Chicha. Ouais. Et du coup, tout de suite, les gens te corrigent, ils disent, attends, là, il y a 20 heures, cette vidéo date d'il y a un an, et voilà, tu vois, tout de suite. Comment on écrit Chicha? H, non, c'est pas la chicha. H, c'est la chicha. Ensuite, chicha, quand la chicha, on fume ici. Non, mais c'est pas ça. Mais non, c'est H. C'est H, c'est H. C'est bon, ouais. En fait, je trouve votre question très intéressante, parce que c'est elle qui vous a mis venu aujourd'hui, plutôt ce soir. C'est que, en fait, moi, non, c'est mon avis personnel, moi, je crois que ce n'est pas Facebook qui a fait, par exemple, la révolution tunisienne, mais c'est les Tunisiens qui ont utilisé Facebook juste pour les... En fait, c'est ce qui se passe en Algérie, généralement, en fait, ils se disent, voilà, Facebook n'est pas assez libre, donc on peut faire ceci, cela. Il y a des gens, par exemple, sur Facebook, qui disent, mais pourquoi le peuple, ce satané peuple ne fait rien, bon, il ne sort pas dans la rue, quoi. En fait, c'est des... En fait, je reprends, en fait, mais je reprends la terminologie qui est utilisée sur Internet, et notamment sur Facebook, parce que je suis très versé là-dedans. Et il se trouve que, en fait, ce que ces gens ont oublié, c'est que, voilà, c'est le peuple qui, à un moment donné, prend son destin en main. Il y a des choses qui font que voilà, en fait, que la sauce prenne.